Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la chanson populaire au Québec durant la Deuxième Guerre mondiale. Bonsoir, M. Lebrun. Venez vous asseoir. Soyez bienvenus au couche-tard. Vous avez eu une carrière fulgurante. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis présentement gérant de service au garage J.M. Nortier sur la Canardière, à Québec. Et puis, j'ai 5 enfants. Le soldat Lebrun à l'émission Les Couches-Tard, animée par Roger Boulu et Jacques Normand en 1962, un extrait qui en dit long sur le côté parfois très éphémère de la célébrité, de grandes vedettes, de très grandes vedettes de la chanson durant la Deuxième Guerre mondiale. Le soldat Lebrun va retourner en effet dans l'ombre quelques années plus tard. Il faut dire que la chanson que l'on entendra durant la Deuxième Guerre mondiale est une chanson bien particulière, associée à une époque bien particulière. Roland Lebrun enregistrera de nombreuses chansons patriotiques durant cette période, des chansons qui vont perdre tout intérêt à la fin de la guerre. Arrive la Seconde Guerre mondiale, marquée au Québec par un refus majoritaire de la population de toute mesure incitant la conscription. 75% des Québécois éligibles à voter rejettent la conscription. Hormis les Québécois anglophones, 81% des Québécois ne veulent pas combattre. Le soldat Lebrun, inspiré par le country et western américain, apparaît à cette époque, au moment même où les racines canadiennes-françaises, pourtant si jeunes, se trouvent confrontées à ce qu'elles sont presque parvenues à effacer, le rapport avec le vieux continent. Sous couvert de fierté nationale, le soldat Lebrun invite dans ses chansons les courageux Canadiens-français à combattre pour leur pays. Petit ami, sèche tes larmes, si je te quitte brusquement. Extrait de l'émission « Aux 20 heures » consacrée à la chanson engagée au Québec et diffusée le 6 juin 1979 pour nous parler de cette chanson populaire au Québec durant la Seconde Guerre mondiale. Je reçois l'auteur, compositeur, interprète Steve Normandin, grand passionné de l'histoire de la chanson. Steve Normandin, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est vous, Steve, qui nous avez proposé ce sujet d'émission. Pourquoi? Pourquoi une émission sur la chanson populaire au Québec durant la Deuxième Guerre mondiale? Tout d'abord parce que je trouve extrêmement intéressant un marché qu'on prive de tout et qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire qu'au Québec, pendant des années, évidemment, la chanson était très présente par le biais des artistes qui faisaient de la scène, de la radio. Et moi, je trouvais fou qu'à ce moment-là, alors qu'on était nourris, nous, de chansons françaises au Québec, le fait qu'une guerre brise le lien entre le vieux continent, donc la France qui nous envoie ses grands artistes à ce moment-là qui étaient Trenet, Tino Rossi, Ray Ventura. Et qui venaient au Québec. Et qui venaient au Québec. C'était un marché extraordinaire pour eux parce qu'ils arrivaient en triomphateurs. Ouais. Il y avait les films qui précédaient évidemment leur venue, les disques, et les artistes québécois reprenaient évidemment les succès parce que à part, évidemment, des créateurs comme Madame Bolduc qui écrivaient leur propre matériel ou des gens comme Ovila Légaré, de la chansonnette française, on se sentait très, très concerné par tout ce qui se faisait de l'autre côté. Et là, 1939 arrive et le contact avec la mère patrie et avec ce bouillon de création extraordinaire, on en est privé. Il n'y a plus rien qui circule. Il n'y a plus rien qui circule et les disques qu'on recevait par bateau dans des caissons, il n'y en a plus. Donc, il faut pouvoir produire encore pour les clients qui ont des gramophones encore, ou ce qu'on appelle les pick-up. Ouais. Donc, c'est des appareils à 78 tours encore à l'époque, mais qui fonctionnent à 78 tours minute, donc avec une grosse aiguille. Et on arrive à donner à ces clients-là la chanson qu'ils aiment. Et c'est en fait, en collectionnant des partitions et des disques que j'ai réalisé à quel point on avait été foisonnant et créatif pour offrir au public ce qui leur manquait. Ouais, de la chanson en français, parce qu'évidemment, aux États-Unis, il n'y a pas ce même problème. Mais non, et puis, bon, ça a toujours été évident. On nous envoie les disques. Bon, à cette époque-là, c'était les grandes vedettes du cinéma, Bing Crosby, Judy Garland, Al Jolson, tous ces gens-là. On avait les émissions de radio. Aujourd'hui, avec les ondes, c'est très, très difficile de les avoir par les ondes. Bon, par Internet, ça fonctionne bien, mais à l'époque, dès que c'était diffusé des États-Unis, leurs antennes étaient encore plus puissantes que les nôtres, alors ça ça rentrait plein pot. Ouais. Et ces vedettes-là avaient une visibilité incroyable. Et puis tout le monde se disait, « Oh, bon, ces gens-là, ils chantent bien, mais c'est en anglais. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour écouter du matériel original? » Et comme le réservoir, le robinet qui vient de France et d'Europe est fermé temporairement pendant la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réussit à combler ce vide-là chanson française? Bien sûr. Moi, ce qui m'a étonné, on aurait très bien pu dire, « OK, on va écrire nos propres chansons. » Non. Les artistes vont se dire, « OK, quels sont les grands succès d'avant-guerre, donc de 36, 37, 38, 39, dont les gens se souviennent? » Alors, on va reprendre les grands succès de Ray Ventura, de Charles Trenet, tout ça, et on va carrément rentrer en studio et les enregistrer par des Québécois. Et ça aura un impact assez puissant parce que des gens qui n'ont aucune carrière vont commettre deux ou trois disques dans l'espoir que ce soit le nouveau Charles Trenet, la nouvelle vedette du jour. Et il y aura des gens qui, peu à peu, vont se mettre à écrire des chansons locales en se disant, OK, parlons du quotidien, puisqu'on ne peut pas avoir le quotidien des autres et le rêve des autres, faisons du matériel nous-mêmes. C'est comme ça, par exemple, qu'un René Paradis, qui a longtemps œuvré au National comme revuiste, c'est lui qui écrivait des sketchs pour La Poune et des chansons, va se mettre à écrire sur l'actualité et à devenir son propre éditeur en imprimant plein de chansons en feuilles volantes. Et il écrivait des chansons sur des mélodies déjà connues. Ouais. Est-ce que ce seront des exceptions, par ailleurs, ces voix originales par rapport à toutes ces reprises qu'on va faire? Ben, c'est comme ce que vous évoquiez par rapport au Soldat Lebrun, c'est que quand la guerre se termine, et que le chemin de l'océan devient beaucoup plus sécuritaire pour les bateaux. Donc, les disques de tous ces artistes-là qui ont enregistré pendant 4 ans et qu'on n'a pas entendu, que ce soit Édith Piaf ou même certaines chansons de Tino Rossi, les nouvelles vedettes qui étaient Louis Mariano, Yves Montand, tous ces disques-là nous arrivent. Et ces gens-là qui avaient fait un travail pour faire en sorte que la chanson grandisse, eh bien, du jour au lendemain... Ils se font carrément passer un sapin. Il n'y a pas d'autre mot. On est inondé, là. Il y a comme une grande production qui attend d'être écoulée et paf, ça nous arrive après la guerre. Il va se faire, durant cette deuxième guerre, on entendait le Soldat Lebrun, un petit bout de chanson. Il va se faire de la chanson patriotique beaucoup. C'est un peu normal, ici comme ailleurs. On est en temps de guerre. On écoute... beaucoup de nos auditeurs, les plus vieux en tout cas, vont la connaître. C'est une des plus populaire. Vous vouliez absolument qu'on la joue dans cette émission. Ton petit kaki de Jacques Aubert. Je suis loin de toi, mignonne, loin de toi et du pays. Mais je resterai ma donne, toujours ton petit kaki. J'ai dû partir, c'est la guerre. Et te quitte brusquement, quelque part en Angleterre, à toi je pense souvent. Donc, ce qu'on entend, en fait, c'est la version de cette chanson, Ton petit kaki de Jacques Aubert, mais interprétée par Robert Lherbier, Normandin. Ça va avoir un très, très grand... Elle est reprise, d'abord, ça veut dire que c'est un grand succès. Qu'est-ce qui explique... et qu'est-ce que ça nous dit, cette chanson-là? Parce qu'il y en aura plein de différents types de chansons patriotiques. Celle-là, elle nous dit quoi? Bien, particulièrement de se faire l'espoir que la personne qui part à la guerre va revenir triomphateur et qu'elle ne sera pas morte pour avoir sauvé la patrie, parce que c'est vraiment la terreur qui règne. Les gens, d'abord, au Québec, les francophones refusent, comme en 14-18, la conscription. Donc, il y a tout un lot de personnes qui désertent. Et la chanson, c'est le reflet de la peur de dire, OK, on doit mettre l'uniforme, on s'en va dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une situation extrêmement dangereuse. Les nouvelles qu'on nous envoie ne sont pas rassurantes, mais quand ils arrivent sur place, évidemment, c'est encore plus grave. Et cette chanson-là, c'est l'attente de tous ceux qui restent. Et toutes les chansons patriotiques, ce n'est pas des chansons qui incitent à la guerre, c'est plutôt des chansons de crainte et de peur, même celle du Soldat Lebrun. Ouais. Et dans celle-là, il y a carrément le message de l'amoureux qui combat au loin pour sa bien-aimée. Là. Plein de monde se sont probablement identifiés à ce qui explique en partie le succès de cette chanson-là, à ce qu'on y dit, à ce qu'on y raconte. « Je suis loin de toi, mignonne », c'est l'espoir de revenir auprès de sa douce. Absolument. Puis ce qui dit très, très différent des chansons américaines, parce que l'armée américaine étant peut-être plus démonstratifs, et c'est dans leur habitude de dire nous sommes fiers de notre pays, tout ça. Nous aussi, on est fiers du Canada. Il y a des chansons qui parlent de courage et qui sont beaucoup plus joyeuses. Mais essentiellement, c'est toujours une histoire de j'ai perdu la personne que j'aime ou j'espère te revenir le plus rapidement pour qu'on puisse revivre dans notre beau foyer. Mm-hmm. Et évidemment, le côté très judéo-chrétien qui vit à ce moment-là se reflète dans les chansons parce que on a toujours la crainte de ne pas avoir fait le bon choix en s'engageant ou enfin, il y a cet aspect-là qui est toujours sous-jacent mm-hmm. dans la plupart des textes. Et si dans ton petit kaki, le chanteur, le héros, le personnage parle à son amoureuse, je suis loin de toi, mignonne, il y a d'autres chansons, parce que tout le monde, on s'adresse à tous ceux qui sont touchés par la guerre, et tous sont touchés par la guerre, il y a d'autres chansons qui vont s'adresser toujours par rapport à cette peur de la mort dont vous parliez, qui vont s'adresser aux mères de ses fils partis. Canadiens sur les traces de tant de preux, prions pour notre race, Sainte-Anne dans les cieux. Donne nos mères, elle est la mère, elle a béni nos aïeux. Prions-la pour notre Canada, pour nos gars qui vont là-bas. Bonne vieille maman, pour vos chers grands enfants, luttant avec fierté pour notre liberté. Vous avez peut-être reconnu sa voix, c'est Jacques Normand, qui à ce moment-là s'appelle Raymond Boisseau, Steve Normandin, oui. Hommage aux mères canadiennes. Oui, c'est un 78 tours que j'ai trouvé à Québec, qui avait été produit par CHRC. Est-ce que c'était pour venir en aide à l'effort de guerre? Je ne sais trop. J'ai eu ce disque très, très longtemps à ma possession. Maintenant, c'est à la Bibliothèque nationale du Québec. Et j'ai copié le disque. Ce qui se trouve, c'est que pendant un an, il va s'appeler Raymond Boisseau pour travailler à une radio de Québec qui était CHRC. Et voulant être très, très à cheval sur le principe, il ne voulait pas faire en sorte que le discours de De Gaulle qui était diffusé à la station soit diffusé dans son intégralité parce qu'à 8 heures, il fallait que le bulletin de nouvelles passe. Mmh. Alors, il a interrompu le truc. On l'a foutu à la porte pour ce fait d'armes. Il s'est fait engager à la station suivante. Et c'est de ce moment-là, en changeant de station pour ne pas être reconnu, qu'il a adopté le nom de Jacques Normand. Ouais. Et lui, il va survivre. On parlait du soldat Lebrun qui va un peu passer à la trappe. Ouais. Normand, donc, il est présent durant cette période de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pas comme chanteur. Il va être comme animateur. Lui, sa carrière à Normand va vraiment démarrer après coup. Ouais. Alors que cet enregistrement-là, moi, je le trouve intéressant dans ce sens où c'était un animateur radio qui prête main forte. De l'autre côté, c'est un musicien qui jouait avec les Montagnards Laurentiens, une émission de radio qui était fort célèbre de musique traditionnelle à Québec. Et c'est le guitariste Bill Harris, qui était aussi ingénieur du son à la station, qui va lui chanter une chanson qui s'appelle « C'est la fête à grand-mère ». Mais de l'autre côté, c'était vraiment Canadien sur les traces de tant de preux, suivons pour notre race, Sainte-Anne dans les cieux. Ouais. J'imagine lui qui était quand même un fin causeur et un improvisateur de première. J'imagine qu'il devait rire de cet enregistrement-là, comme c'est pas permis avec les années. Oui, mais ça montre que c'est vraiment dans l'air du temps. Ah, oui. Il est de bon ton et c'est un devoir, même si le Québec a pas très envie d'aller se battre. Mais on est en guerre, il faut faire des chansons patriotiques. Ouais. Il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. Entre autres, celle de Lionel Parent, Nos soldats chantés. Marchons, marchons, nous sommes fiers de chanter, prions, chantons, chacun avec fierté, buvons, trinquons, nous sommes dans l'armée, et tous en cœur prions bien haut, vive la liberté. L'aviateur en costume gris-bleu, la joie au cœur va sillonner les cieux, aussi les bleus sont tous de fiers marins, très amoureux et pleins d'enfants. Ils aiment le bon vin, le kaki est à la pagode. Avec cette chanson, donc, de Lionel Parent, vous parliez tout à l'heure, Steve Normandin, des chansons américaines qui sont plus patriotiques. Là, on est là-dedans, au fond, la fierté de porter l'uniforme. Et c'est une chanson américaine sur un laveur de carreaux. On en fait une chanson à l'hymne aux soldats. La même musique avec des nouvelles paroles. Bien sûr. Ouais. Et on va le faire à de multiples reprises, évidemment, à cette période-là. Comme le Québec est privé, il faut trouver des sources d'inspiration. Vers qui on va se tourner pour faire des chansons? Évidemment, toutes les chansons françaises sont reprises. Les mélodies américaines, on y met des paroles où on dit que les enfants maudissent la guerre, que les aviateurs, ce sont de fiers représentants de la patrie parce qu'ils survolent le ciel pour avoir notre liberté. Et en même temps, à un moment donné, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveauté? Des États-Unis nous arrive un vent chaud d'Amérique du Sud parce que évidemment, comme on a besoin d'exotisme, le côté continental de l'Europe, on doit s'en priver. Les Américains également. Alors, ils vont avoir cette idée d'aller chercher vers le Brésil, d'aller chercher vers l'Argentine, toutes les musiques de tango ou de samba et toute la fougue. Ils vont rapatrier ça aux États-Unis et ça va avoir une influence directe avec une artiste évidemment exceptionnelle qu'on ne peut pas passer sous silence dans ces années-là. Évidemment, c'est la grande Alice Robbie. Boum, tchika, boum. Entendez-vous le chica boom chick? Elle fait partout le chica chica boom chick. C'est un peu fou le chica chica boom chick. Mais on s'en fout le chica chica boom chick. Alice Robbie chantant le Chicka Chicka Boom Chick, elle ne sera pas la seule. C'est curieux, vous nous expliquez un peu d'où ça vient cette affaire-là, mais il y aura vraiment, Alice Robbie évidemment va avoir de nombreux très grands succès, mais elle ne sera pas la seule. Il y a d'autres chanteurs-chanteuses qui vont se mettre à, ici, dans la grande froideur montréalaise et québécoise, à chanter des chansons au rythme de l'Amérique du Sud. Oui, mais particulièrement à la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, les grands succès américains sont influencés. Tout ce qui est... Bon, Alice Robbie en a chanté tout plein, mais tout ce qui était Poinciana, Malaguena, tout le matériel qui nous venait de Cuba et tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont être adaptées en français. Et comme, bien entendu, on espère toujours trouver du francophone, on essaie de faire des adaptations pour que tout le monde en profite. Et c'est quoi l'idée? C'est de fuir... Ça, c'est... Autant hier, on l'a vu, des chansons qui sont très patriotiques. Ça, c'est de prendre une grande bolée d'air frais, c'est de s'éclater, d'essayer d'oublier un peu l'horreur de la guerre? Je le pense bien, parce que la plupart des chansons qui étaient en vogue avant le début de la guerre, dans les années 30, c'était surtout la chanson réaliste. Les trucs comme les roses blanches. Vous imaginez, c'est aujourd'hui dimanche et j'allais voir maman. Voici ces roses blanches que mon cœur aime tant et le petit garçon meurt. Tu sais, ça faisait toujours pleurer les familles, les chaumières. Il y avait des chansons où la bonne humeur régnait, mais ce qui était le commun de ce genre de chansons-là, c'était souvent des histoires dramatiques vécues. Et quand la guerre arrive... là, c'est pas juste des histoires, c'est aussi la peur qui s'installe de se dire j'ai mon fils ou ma fille qui part de l'autre côté pour défendre la patrie et je ne sais même pas s'il va revenir. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas un effet de catharsis qui peut se faire parce que tout le monde est dans la panique et de se dire aussi est-ce que l'ennemi va débarquer. Il y a très peu de chansons qui évoquent cette peur-là parce que, dans le fond, la réalité est trop dure à prendre. J'en ai entendu une ou deux, mais qui n'étaient pas enregistrées. En fait, c'était des gens qui faisaient de la collecte auprès de personnes âgées. Il y a eu évidemment un travail de mémoire qui avait été fait de gens qui chantaient des chansons, soit qui avaient été publiées dans des revues comme Le Passe-Temps où on fait des magazines ou des coupures de journaux sur des mélodies. C'est souvent des gens qui étaient... anonymes. Et puis ces gens-là se souvenaient de chansons qui les avaient profondément marquées. On boucle la boucle. On commençait cette émission en évoquant le soldat Lebrun. Il sera vraiment l'un de ceux qu'on entendra beaucoup durant ces années de guerre. On écoute justement une chanson. Là, on revient. Il y a deux choses. Évidemment, c'est la chanson patriotique, mais ce pourquoi on revient au soldat Lebrun pour terminer l'émission, c'est les emprunts. On a parlé de l'Amérique du Sud, mais on va emprunter beaucoup à la musique country western, ouais. le folk. Et même à la chanson, dans le cas de Soldat Lebrun, à la chanson française, il y a certaines chansons qu'il créditait lui-même comme étant l'auteur de la chanson, mais il suffisait de fouiller, c'était le même compositeur que Foufrou, par exemple. Vous nous direz tout après avoir entendu cet extrait de Celle qui suit, qui est pour lui Je vais mourir. Je vais quitter mon beau pays que j'aime, je vais combattre pour l'humanité. De m'éloigner, j'ai une peine extrême, sèche tes yeux, maman, je reviendrai. Si par malheur le feu de la mitraille vient me blesser avant de revenir, j'ai demandé sur le champ de bataille qu'on me ramène au pays pour mourir. J'ai demandé sur le champ de bataille qu'on me ramène au pays pour mourir. Ce qui est beau avec le Soldat Lebrun, c'est qu'il y a à la fois la naïveté et le courage du Canadien français qui se reflète. Même si ces chansons-là ont peut-être mal vieilli, il y a plein d'admirateurs du Soldat Lebrun. Ouais. Mais il faut se rendre à l'évidence que ces chansons-là ont peut-être pas bien traversé l'époque, puis c'est l'aspect nostalgique qui nous touche. Mais il est une qualité quand on l'entend, c'est qu'il n'y a pas de fla-fla chez Roland Leblanc, dans le vrai sens du terme. Ouais. C'est, il va vraiment raconter ce qu'il voyait autour de lui le plus simplement. Et puis, à sa façon, c'est un troubadour, western sans doute, ouais. Mais c'est un troubadour. Lui va donc retourner dans l'ombre assez vite après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui sera entendu, produit, chanté pendant cette période-là, qu'est-ce qui va en rester? Hey, c'est étonnant, pas grand-chose, sinon que de la curiosité. Je suis toujours assez estomaqué de voir, par exemple, en France, ils étaient au cœur de l'événement. Il y a des chansons qui, par exemple, comme « Douce France » de Charles Trenet, quand les gens voyaient Trenet en scène à Paris et qui disaient « Oui, je t'aime, je t'offre ce poème, oui, je t'aime dans la joie et la douleur », quand les nazis étaient là et qu'ils semaient la terreur partout autour d'eux, cette chanson-là avait un poids et une portée. Or, ici, tant que le climat de la guerre a été là, les chansons avaient leur importance. Et dès 1945, dès que les nouvelles chansons arrivent, eh bien, tout le monde qui aime cette chanson-là va vraiment faire en sorte de tourner la page parce que c'est le souvenir est trop dur. Mm-hmm. Évidemment, les soldats sont rentrés ou ne sont pas rentrés. Et puis ceux qui sont revenus, des fois, avaient des séquelles psychologiques. Enfin, on veut oublier cette horreur, ce massacre humain épouvantable. Et les chansons vont faire place à de la légèreté. Et les chansons de la libération vont nous parvenir de France. Fleurs de Paris. Ouais. Et puis c'est du bleu, blanc, rouge que on va se prendre ça en pleine gueule, quoi. Steve Normandin, auteur, compositeur, interprète, passionné de chansons et d'histoire de la chanson. Merci beaucoup, Steve. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Puisqu'il est mort pour sauver sa patrie, moi, à mon tour, pour lui, je vais mourir.